Point d'interrogation. De Stefano Massini. Traduit de l'italien par Irina Brook et Renato Giuliani. Question numéro 1. Existera-t-il un futur? Il semble que oui, bientôt. La planète devrait plus ou moins résister, malgré tout. Si on part du principe, comme le fait la science, que la pollution ne diminuera pas, il y aura un futur. Mais la question est, comment? Après la tentative manquée de protéger la Terre de l'homme, on passe à une nouvelle tactique. Protéger la Terre et l'homme. De qui? Du Soleil. La première hypothèse est de fertiliser un océan, le remplir d'algues qui retiennent le smog. Deuxième hypothèse, des miroirs géants pour détourner la lumière du soleil. Troisième, de colossales installations pour filtrer l'air. Quatrième, injecter dans l'atmosphère de l'anhydride sulfureux formant une couche pour protéger de l'effet de serre. Cinquième, peut-être un peu draconienne, remplir de chaux l'océan Indien pour réduire l'évaporation. Sixième, congeler chimiquement l'Antarctique. Mot d'ordre, bloquer le soleil. Surchauffe. Fonte de tous les glaciers. Température au-dessus de 40 degrés. Pluie tropicale, même au Danemark. Cyclones, ouragans. Des villes entières fracassées par des typhons. À propos de villes, question numéro 2. Comment seront les villes de demain? Agglomérations urbaines, mégalopoles, hyper-mégalopoles. Ensemble de villes, jadis séparées, puis devenues une seule. Ville-État, ville-nation. Autonome. Autogéré, renouvelable. Développé vers le haut. Niveau vertical, habitation. Niveau horizontal, travail. Niveau diagonal, transport. Hypothèse d'urbanisme futur. Ville pyramidale. Ville conique. Ville sous-marine. Ville souterraine. Ville flottante. Ville surélevée. Fin des soi-disant maisons. Arrivée de la cellule d'habitation multifonctionnelle. Fin de la dépendance énergétique. Chaque cellule consomme ce qu'elle produit. Fin des déchets urbains. Chaque cellule élimine et recycle ses propres déchets. Fin des quartiers délabrés. Les cellules sont construites avec des matériaux transparents et non dégradables. Tout est flamboyant, tout est brillant, tout est éblouissant. Des cellules superposées, occupation minimale du sol, création d'espaces verts artificiels, autrement dit terrasses suspendues à chaque niveau, minimiser les zones inutiles. Chaque coin doit être logique, rationnel. Chaque superficie doit avoir une fonction. Chaque édifice doit être transformable, modulable. Mot d'ordre, espace multiple. Pour dormir, travailler, manger. À propos de manger, question numéro 3. On s'alimentera avec des pilules? Oui, de la nourriture en pilules. Oui, enfin! Nourriture parfaite, parfaitement pure, sans danger, qui ne pourrit jamais. Apport nutritif équilibré, bien calibré, ne fait pas grossir. Ni hypercalorique, ni hypocalorique. On s'alimentera avec des pilules. Oui, messieurs. Aliments synthétiques lyophilisés, dosage chimique préparé. Artificiel? Bien sûr, artificiel. Pilule, pilule, pilule. Néanmoins, savoureuse, goûteuse, synthétisée en laboratoire avec une minutieuse attention culinaire par des spécialistes du secteur, conscients de la valeur stimulante de cet ancien acte barbare de manger, avec tous les risques que cela comportait. Peur de croquer un fruit vert ou trop mûr? Terminé. Un excès ou manque de sel? Terminé. Trop piquant ou au contraire pas assez? Terminé. Sans parler de température insensée entraînant des traumatismes récurrents au palais, comme avec de la nourriture encore bouillante, ou bien refroidie, brûlée, rôtie, édulcorée, fade. Terminé. Des pilules. On s'alimentera avec des pilules. Eh oui! Fini les aliments soi-disant périssables. Pas assez moelleux, pas assez ferme, pas assez croquant, pas assez tendre, pas assez juteux. Fini le pas assez et le trop. Fini le pas assez et le trop. Fini pilule. Le futur sera la sécurité alimentaire. Plus d'imprévus comestibles. Conclusion historique de toutes les indigestions, congestions, intoxications, suffocations, lésions gingivales, troubles gastriques, intolérances. Le futur sera la sécurité alimentaire. Celui qui ne veut pas se conformer à la masse peut toujours avoir recours aux restaurants dits bio. Des endroits chers, il faut le dire. Pour des gens bizarres où l'on sert, qui sait? De la vraie salade? Des vrais fruits de l'arbre? De la véritable viande d'animal tué, malgré la loi qui interdit désormais toute suppression d'êtres vivants de toutes sortes et types? Car le futur préserve la vie. Et puis, pourquoi tuer un poulet quand la saveur d'une viande extraordinaire de poulet est déjà là, prête dans l'éprouvette? Justement, l'éprouvette, donc, pilule. Pilule qui englobe tout. Pour tous les goûts. Pour tous les âges. Pour toutes les pathologies. Car la pilule alimentaire contiendra déjà tous les médicaments nécessaires. Et à propos de médicaments, question numéro 4. Est-ce qu'on continuera à tomber malade? La réponse est non. Mot d'ordre, immuniser. Le futur n'est pas la santé, mais la sécurité sanitaire. Prévenir avant, immuniser. Est-ce qu'on continuera à tomber malade? Non. Développement de la recherche génétique, profil ADN, impossible de tomber malade car chacun est immunisé contre les maladies auxquelles son ADN l'expose avant de naître. En prévention, prélèvement de l'ADN, examen, recherche de futurs risques pathologiques. Résultat? Le sujet qui va naître a 90% de risque cardiovasculaire. Introduire la correction génétique dans le filament. Immuniser, intervenir, c'est fait. Ok, il est en bonne santé, procéder à la naissance. Le sujet qui va naître a 70% de risque neurologique. Introduire la correction génétique dans le filament. Immuniser, intervenir, c'est fait. Ok, il est en bonne santé, procéder à la naissance. Le sujet qui va naître a 60% de risque psychiatrique. Introduire la correction génétique dans le filament. Immuniser, intervenir, c'est fait. Ok, il est en bonne santé, procéder à la naissance. Est-ce qu'on continuera à tomber malade? Absolument pas. Aussi parce qu'une puce électronique sous-cutanée examinera 24 heures sur 24 notre état interne et au moindre signe de maladie lancera l'alerte avant que le symptôme apparaisse. Attention, risque imminent dans la zone pulmonaire. Niveau d'urgence 4. Est-ce qu'on continuera à tomber malade? Non. Attention, risque imminent dans la zone gastro-intestinale. Niveau d'urgence 2. Est-ce qu'on continuera à tomber malade? Non. Attention, détection d'une attaque virale. Activation des anticorps dans les 120 minutes. Risque de fièvre. Est-ce qu'on continuera à tomber malade? Non. Attention, détection de changement d'humeur imminent. Introduction d'antidépresseurs dans les 80 minutes. Risque de tristesse. À propos de tristesse, question numéro 5. Le malheur existera-t-il toujours? C'est exclu. Malheur, ennui, mélancolie, tristesse, insatisfaction, mauvaise humeur rendent le sujet improductif. Servent à rien, compliquent tout. Il faut les considérer comme des pathologies invalidantes, dans tous les cas. Le malheur existera-t-il toujours? Non, il sera réprimé, évité, grâce à la chimie. Éliminé, effacé du tableau. Article 1. Chaque prédisposition humaine qui n'est pas tournée vers le positif doit être considérée comme socialement déstabilisante. Balayée, effacée, anesthésiée, une grande invention, l'anesthésie émotionnelle. Seulement heureux, toujours heureux, soigné, supprimer tous les symptômes d'anxiété, offrir à l'homme un sourire éternel. Tous souriants, tous joyeux, tous rayonnants. Et si non rayonnant, au moins résolu. Tous en paix. Avec soi-même, avec les autres, paix. Sourire. Paix. Sourire. Chimique, ok, je sais, mais quand même des sourires. Mot d'ordre, pacifié. Calmé. Comme c'est beau d'être en vie, toute la vie est belle. Sourire. Comme c'est beau d'être en vie, ne pas se poser de questions. Bien-être. Ne pas se poser de questions, boulot, maison, maison, boulot, en souriant. Oh, comme la maison est belle. Oh, comme le travail est beau. Sourire, paix. Le malheur existera-t-il toujours? Le malheur? C'était quoi? C'est quoi? Qui sait? Sourire, joie intérieure, harmonie, légèreté généralisée, société joyeuse. Pleurer, oui, mais seulement de joie. Sinon, pourquoi? La douleur n'existe pas. Formidable. Le remords n'existe pas. Formidable. Le regret n'existe pas. Formidable. La colère n'existe pas. Formidable. Nous allons tous bien. Wellness. Nous dormons la nuit. Wellness. Et nous nous aimons. Wellness. Le malheur existera-t-il toujours? Oui, mais comme il est même interdit d'en parler. Oui, trop déstabilisant. Quand on pense qu'autrefois les romans ne parlaient que de ça. Mais en fait, qui les lit? À propos de lecture. Question numéro 6. Est-ce que les soi-disant livres existeront toujours? Obsolète! Les livres? Gaspillage inutile d'espace. L'espace est vital à gérer avec soin. Est-ce que les livres existeront toujours? Des trucs vieillots? Archives informatiques, documents digitaux, tomes virtuels, librairies online, tout le savoir, bibliothèque web. Tout est téléchargeable, tout est importable. Recherche par auteur, sujet, matière. Option, recherche par phrase ou par citation. Sélectionnez le titre. Download. Click. Démarrer. Acquérir les contenus. Temps de transfert, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Opération terminée avec succès. Est-ce que les livres existeront toujours? Peut-être comme des bibelots, un peu rétro. Papa, c'est quoi ça? Ça s'appelait un livre. Ça s'appelait du papier. Dans le temps, ils utilisaient ça pour étudier. Oh, à propos d'études, question numéro 7, comment sera l'école? Oubliez les bureaux d'écoliers, please. Oubliez les pions, les tableaux noirs, les effaceurs, les sonneries, les cartes accrochées au mur, les panneaux marqués « classe de 3e section F ». Oubliez la folie absurde, insensée de devoir aller tous les matins dans un lieu réel plus ou moins délabré, ou passer des années à apprendre des concepts du genre algèbre, géographie, le règne de Charles Martel et le cosinus alpha. Vous rigolez? Ça s'appellera téléchargement de compétences informatives, transfert de données, grâce à un simple port USB placé derrière la nuque ou sur une tempe. Introduire la clé USB. Démarrer le processus. Acquisition immédiate. Du cerveau digital au cerveau humain. Hier, tu ne savais pas ce que font 2 plus 2. Aujourd'hui, tu peux m'expliquer les équations logarithmiques. Hier, tu ne savais pas où étaient les frontières de l'Italie. Aujourd'hui, tu énumères les capitales de chaque province en Indochine. Il fut un temps très lointain où les enfants apprenaient par cœur avec difficulté un poème. Aujourd'hui, en 2 secondes et 1 clic, ils te récitent les 24 chapitres de l'Odyssée et les traduisent en 1 millième de seconde dans n'importe quelle langue. Projet Babel. À propos de langue, question numéro 8. Dans quelle langue parlerons-nous? Oubliez l'anglais. Le français, adieu. L'italien, une relique. Imaginez une espèce d'hybride composée comme suit. 30% chinois, mandarin et coréen, 20% hindi, bengali, marathi, tamil, 20% espagnol de l'Amérique latine, 20% arabe, 10% un mélange varié de langues occidentales en sauce nippone et nord-américaine. À propos d'Amérique, question numéro 9, est-ce que les superpuissances existeront toujours? Des armées ultra spécialisées existeront, à l'avant-garde de la science. Les guerres seront très courtes, chirurgicales, efficaces car concentrées. Guerre digitale, joystick, niveau 1, bonus. Guerre par des soldats robots, avions sans pilote, kamikaze androïdes. Robots guerriers, technologie militaire hyper sophistiquée, niveau maximal de contrôle d'erreur. Pour éviter les morts. Pour éviter les carnages. Pour éviter la catastrophe. En conclusion, la guerre pour éviter la guerre. Vive la guerre pacifiste! Mais d'un autre côté, avant, pendant et après la guerre, des milliers de micro-guerres, guérillas, luttes, conflits, attentats, affrontements, non pas entre États, mais entre gangs, cellules subversives, terroristes, saboteurs, factions, groupes, tensions maximales, extrêmes. Cette fois, aucun effort pour une guerre pacifiste. Explosions partout, attaques. Métro. Boum. Gratte-ciel. Boum. Centres commerciaux, aéroports, galeries, tunnels, gares. Boum, boum, boum. Paris, plus de Tour Eiffel. Moscou, adieu le Kremlin. Le Taj Mahal. Boum. C'était pas ici le Vatican? Venise engloutie. Mais pour d'autres raisons. Même le Groenland. Boum, Impossible de contrôler, impossible de suivre. Des myriades de subversifs de toutes sortes, religieux, pas religieux, politiques, anti-politiques, autonomistes, nationalistes, minorités de minorités, schizophrènes, collectifs, commandos, sectes, voisins, contre-voisins, chinois, indiens, kazakhs, mongols, arabes, pachtounes, tous armés, tous enflammés. Boum, boum, comme au bowling, boum. De boom. Question numéro 10. Quel visage aura l'économie ? Miroir de la planète. La lutte pour l'énergie rapportera des milliards à quelques-uns et la famine au plus grand nombre. Les riches deviendront hyper riches. Il y en aura très peu. Les pauvres hyper pauvres. Il y en aura beaucoup. L'épuisement du pétrole fera exploser des crises économiques. Crash monstrueux. Des pays entiers au bord du gouffre et même au-delà du gouffre. Échec, banqueroute. L'Extrême-Orient, avec sa main-d'œuvre et sa technologie, humiliera l'Occident. On sera obligé de dealer avec Taïwan. On sera obligé de dealer avec Hong Kong. En même temps, le manque d'eau dans des zones entières de la planète fera naître de nouvelles alliances, de nouvelles puissances. Les déserts seront utilisés comme d'énormes réserves d'énergie solaire. Des panneaux alignés à perte de vue sur tout le Sahara. Tu me donnes de l'énergie ? Je te donne de l'eau. Chantage. Contrat de vente. Troc. Échiquier détraqué. Nouveau scénario. Révolution. Renversement. Quel visage aura l'économie ? Il n'existera plus ni pièces ni billets. Une carte unique. Tout y rentre, tout en sort. Argent virtuel. Pas de monnaie, pas de billets à falsifier, pas de chèques. Une seule carte magnifique et splendide. Même pour faire l'aumône, tu tapes le code sur l'appareil du miséreux prévu à cet effet. Plus de portefeuilles, plus de coffres-forts, les distributeurs automatiques disparaîtront aussi. Tout par informatique, bank online, quelque chose de ce genre. Tout le pouvoir d'achat en un code-barre, piratage informatique au summum. Les vrais grands escrocs seront des génies de l'ordinateur. À propos d'ordinateurs, question numéro 11. Comment seront les ordinateurs ? Minuscules et partout. Pas de clavier, pas de souris, seulement l'écran. Écran tactile ? Non, monsieur, encore mieux. Dictée instantanée et reconnaissance vocale. Tu dis, il exécute. Tu parles, il écrit ? Si tu ne parles pas, il agit quand même, en mode automatique. Il ne s'arrête jamais. Il commande la maison à lui seul. Température, éclairage, entretien, vérification des pannes, intervention immédiate, rétablissement des fonctions. Ordinateur. Irremplaçable. Indispensable. Dans toutes les situations, on peut le consulter. Il offrira des solutions immédiates sur une base statistique. Comportement humain ? Petit conflit ? Incompréhension ? Interroger l'ordinateur. Dispute de couple ? Interroger l'ordinateur. Rapport parent-enfant ? Interroger l'ordinateur. Il fournira la bonne conduite. Toujours. Il ne se trompe pas. Jamais. L'ordinateur décide. L'homme exécute. Car personne ne te connaît comme ton ordinateur. Il sait qui tu es. Il a ton profil émotionnel. Il connaît tes faiblesses. Il prévient. Il prévoit. Il est toi avant toi. Il est toi meilleur que toi. Il t'appelle par ton prénom. Il te demande comment tu vas. Il est indéniablement l'intelligence artificielle suprême. Car le cerveau humain est limité, subjectif et peut se tromper. L'intelligence artificielle possède dans sa mémoire des millions de situations analogues et te dit quel sera le pourcentage d'erreurs. Se tromper deviendra un choix. L'ordinateur n'admet que le risque zéro. Risque zéro. Sans son aide, je serais perdue. Très haut pourcentage de suicide pour cause de panne d'ordinateur. Impossible de s'en passer, comme le dit la pub. À propos de pub... Question numéro 12. Quand sera-t-il des publicités ? L'or du futur. Tout est communication. Images. Logos. Synthèse. Au niveau mondial. Des grandes chaînes planétaires. Des déserts jaunes de l'Australie aux vallées vertes du Groenland. Auparavant des glaciers. Être partout. publicité à l'échelle universelle, mais surtout publicité omniprésente, dans tout, dans tous les cas, dans toutes les maisons. La publicité deviendra la vie, elle financera les familles, elle financera les appartements, elle financera les vies. Chaque personne devient une égérie vivante. On achète votre vie pour en faire une marque. Je deviens une pub, donc je suis, je représente. Ma vie est actuellement étiquetée Fuji. L'année prochaine, on a signé avec Nestlé. Je représente Kodak. Mieux, je suis Kodak. À qui est-ce que je pourrais me vendre ? Sans logo, comment vivre ? Qui veut m'acheter ? Est-ce que j'intéresse quelqu'un ? Je vaux si peu ? Achetez-moi. Très haut pourcentage de suicides pour manque de sponsors. Le commerce est la seule clé pour affronter la réalité. À propos de réalité, question numéro 13. Comment faire pour distinguer le réel du virtuel ? Presque impossible. En même temps que le développement gigantesque de la publicité et de la technologie, le virtuel sera partout. Impossible de le distinguer. Grâce au virtuel, on entrera dans les films. Dépasser la génération 3D. Regarder l'avenir. La prochaine étape est l'interaction. Quatre dimensions. Vous n'êtes plus spectateur, mais acteur. Vous n'êtes plus dehors, mais dedans. Ce n'est pas réel, mais c'est identique à la réalité. Sensations authentiques. Vrai, mais pas vrai. Vous n'êtes plus dehors, mais dedans. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux ? C'est quoi la réalité ? Je ne m'en souviens pas. Ce que je suis en train de vivre est vrai ! Peut-être que je rêve, mais à l'intérieur d'un rêve ? Très haut pourcentage de suicides, de gens perdus. Entrer et sortir, monde parallèle, numérique. S'il pleut à l'extérieur, tu peux faire rentrer chez toi la lumière du soleil. Vie virtuelle. Si c'est la nuit, tu peux avoir le jour. Vie virtuelle. Si c'est l'hiver, tu peux avoir l'été. Vie virtuelle. Si ta femme est vieille, tu peux la rendre jeune. Vie virtuelle. Si tu es vieux, tu peux revivre tes 20 ans. Vie virtuelle. Si tu détestes quelqu'un, tu peux l'égorger, l'amputer des mains et des pieds, lui arracher les yeux, le faire disparaître. À propos de disparaître... Question numéro 14, qu'est-ce qui n'existera plus ? Embarras du choix. Dans le désordre, il n'y aura plus l'ampoule, il n'y aura plus le stylo bille, il n'y aura plus le chargeur de batterie, il n'y aura plus le photocopieur. Aucune boîte aux lettres, aucun timbre, aucune enveloppe. Adieu aux facteurs. Oublions les sonnettes. Plus jamais de mécanismes d'ingénierie comme les feux rouges, mixeurs, chasses d'eau. Plus de trottoirs, introuvables les cabines téléphoniques. Les bouches d'égout, un anachronisme. Zéro poubelle. Zéro vélo Atala, Bianchi ou n'importe quelle autre marque. Zéro bottin téléphonique. Les ventilateurs disparus. Les fax aussi. Quelques parapluies résistent. Mort le ticket d'autobus et le composteur. Le blaireau de rasage et le tire-bouchon vont me manquer. Le thermomètre, l'aspirateur, la brosse à dents. Les rouleaux de lavage auto, la station-service. Le mécanicien automobile. Le marchand de fruits et légumes. Le marque-page. Les lustres. Les journaux. Les kiosques. Les lampadaires. Le carnet de correspondance. La blouse d'écolier. Les copies doubles. Les timbres fiscaux. La brillantine. Le fer à repasser. Les béquilles. Les lunettes. Les nappes. Les selfs. Le plâtre. Les maisons du peuple. Les tournebroches. Les stores roulants, les rideaux de fer. Le loto. Les poils. Les sièges électoraux. Le cadastre. Les péages d'autoroute. Le taille-crayon. Les bonbons. L'eau de Cologne. La carte d'identité. L'ordonnance médicale. Le dossier médical. Et surtout, pour finir, sans le moindre doute, les acteurs, et en particulier ceux de théâtre. Fin. Alors, vous venez d'entendre Point d'interrogation de Stefano Massini, un dramaturge italien, un texte pour la jeunesse traduit de l'italien par Irina Brook et Renato Giuliani. Il est élu par les élèves de la promotion 30 de la Comédie de Saint-Étienne, École supérieure d'art dramatique, dont je vais citer tous les noms. Chakib Boudiab, Estelle Brémond, Pascal Césari, Clément Debeur, Lise Amaillon, Liora Jacotet, Maude Menissier, et Mathis Sanzoni. Ils étaient accompagnés par Mathieu Boer aux percussions. Vous avez entendu aussi en première partie Une vie de Nino Rota de Stefano Massini, un texte inédit. Il était interprété par Reda Kateb et Michel Esco, musique originale de Lawrence Williams et Sylvain Cartigny. L'équipe technique était composée de Catherine Dérété, Bastien Varigaud, Pierre-Henri, Romain Lenoir, Julie Garou, Maxime Bayol, Ghislain Sanchez. Je voudrais dire un grand merci à Farid Melab, le régisseur du Studio 104, assistante à la réalisation Manon Dubu, conseiller artistique Guillaume Poix. Les deux pièces de Stefano Massini étaient réalisées ce soir par Baptiste Guiton et Stefano Massini est représenté par l'archéditeur Agent Théâtrale.